Lisons ces deux cas séparément. Je circule sur l'autoroute, donc à une vitesse proche de 130 km/h. Je dois donc laisser au moins 80 mètres, soit la distance parcourue en 2 secondes. Ce qui devrait correspondre à deux traits de la bande d'arrêt d'urgence. Ce n'est pas le cas ici, je dois augmenter la distance de sécurité. Dans le deuxième cas, il y a bien deux traits. Mais le véhicule qui me suit est trop près. Et si la voiture devant moi freine fortement, et que je dois freiner aussi fort, le conducteur derrière moi risque d'être surpris. Dans ce cas, je dois aussi augmenter la distance de sécurité. Réponse A.